Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et l'échec de la semaine, il se résume en trois lettres APB, admission post-bac, trois lettres qui désignent l'enfer, APB, A avec PB comme problème. Un algorithme torsionnaire, un échec collectif qui donne ça. J'avais mis 24 classes préparatoires, 4 facs et je n'ai aucun vœu accepté. Je suis sur liste d'attente sur mes 4 facs. À partir du moment où on rentre nos vœux, après on n'est plus maître de rien. Et c'est juste un logiciel, des algorithmes qui font tourner et qui décident finalement de notre vie après, quoi. Notre avenir, c'est juste informatique, quoi. On n'a absolument pas la main. Il y a 30 ans, on faisait peut-être la queue dans les facs avec des dossiers, mais on avait au moins une discussion humaine avec quelqu'un qui pouvait nous expliquer. Moi, ma question, c'est comment ça fonctionne? Je ne comprends pas. Alors, Marie-Caroline Missire, vous qui êtes directrice de la rédaction de l'étudiant, vous n'allez pas nous détromper. APB, c'est vraiment une cata. Aujourd'hui, on en est où? On attend les dernières affectations, comme dit le ministère. Les derniers chiffres qui ont été communiqués par le ministère, ce sont 3000 bacheliers et étudiants encore sans affectation. On aura les derniers chiffres le 25 septembre, puisque c'est la fin de cette procédure interminable qui a duré tout l'été. Alors ça, c'est la partie visible de l'échec, parce que sinon, il y a énormément d'étudiants qui sont allés dans des endroits où ils ne voulaient pas du tout mettre les pieds. Ben oui, parce que je crois que le problème qui est posé par cet algorithme, ce logiciel, c'est qu'on confond finalement orientation et affectation. Affectation, c'est un processus passif. Mmh. Certes, des étudiants, des bacheliers vont être affectés dans une filière, mais la question c'est, est-ce que ça répond à leur projet d'orientation? Donc c'est un gros problème de conception de ce qu'est l'orientation. On ne peut pas la subir, on ne peut pas être passif dans un processus, et ce qu'on entend dans ces témoignages de lycéens ou d'étudiants, c'est qu'effectivement, ils ne comprennent pas que quelque chose d'aussi crucial pour leur vie, pour leur avenir, soit géré de manière opaque par un logiciel informatique. On a beau être digital native, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Alors APB, c'est un super fail incontestable, Marie-Caroline, mais alors ceux qui l'ont conçu ne voulaient évidemment pas échouer. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Alors au départ, en 2003, on a l'ancêtre d'APB qui s'appelait Admission Prépa. C'était au départ fait pour rentrer dans les prépas scientifiques. Et puis en 2008, on s'est dit, tiens, on va expérimenter ça plus largement. Ça a été expérimenté dans quelques académies, on a trouvé que ça marchait pas si mal. Et puis, le monstre est né, 2008, naissance d'APB. Très vite, en 2013, il y a eu un rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale qui a souligné déjà une inquiétude des familles, une certaine forme d'opacité, une forme de flou autour de ce logiciel qui commençait à inquiéter. Et dès 2013, on a eu déjà des cas de tirage au sort. C'est pas du tout récent, le tirage au sort. Le tirage au sort, il faut quand même revenir là-dessus, Marie-Caroline, c'est une idée absolument inouïe. C'est-à-dire l'idée que finalement, on va régir la scolarité des individus par le hasard, ça vient d'où ça? Alors c'est totalement injuste et c'est ce que peut produire de pire l'administration. Il n'y avait pas de place pour tout le monde. Comment on va faire pour départager les gens? On va les tirer au sort. Ce qui est incroyable, c'est que donc 2013, les premiers tirages au sort ont lieu. Et le scandale du tirage au sort, c'est cette année. Pourquoi? Parce qu'il a lieu pour la première fois en PACES, c'est-à-dire l'entrée en médecine, et en Île-de-France. Et quand ça arrive en Île-de-France, ça devient un problème majeur, un problème national. Et parce qu'avant, c'était où, dans quelle filière? Ce qu'on appelle les filières en tension. Donc, ça concerne les STAPS. Vous avez des études pour faire du sport et tout un tas de métiers autour des capacités sportives. Le droit aussi qui était touché. Mais la PACES, cette filière d'excellence qui forme les médecins et les professions médicales. Voilà, pour la première fois, c'était touché. Et c'est un scandale qui est devenu un scandale d'État, si bien que ça a remis en cause l'existence même de ce logiciel APB. Et puis on a incriminé donc l'algorithme, mais est-ce qu'on a raison finalement de s'en prendre aux informaticiens? Alors il y a une association qui s'appelle Droits des lycéens qui s'est emparée du sujet en 2016, qui a demandé la publication de l'algorithme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère s'est exécuté et on a tous reçu, l'association comme nous, journalistes spécialisés, 20 pages absolument obscures d'algorithmes qui n'ont pas dit grand-chose à part aux ultra-spécialistes du code et encore. Voilà, donc c'était censé faire la transparence sur ce logiciel et son fonctionnement, mais toujours pas finalement. Et la suite l'a démontré. La suite, c'était quoi ? Alors la suite, c'est que en 2016 et cette année en 2017, on a atteint un point de non-retour. Pourquoi ? Parce qu'il y a une hausse démographique de la population étudiante, plus 40 000 étudiants cette année à la rentrée, et ça va durer comme ça jusqu'en 2022. Une hausse qui n'a visiblement pas été anticipée par les pouvoirs publics, puisque les universités n'ont pas construit de nouvelles antennes, n'ont pas poussé les murs pour accueillir ces étudiants supplémentaires. Ce sont des budgets, exactement. Et donc là, on a atteint vraiment un point de non-retour avec quelque chose qui s'est transformé en scandale médiatique, national. 87 000 étudiants et bacheliers sans affectation au début de l'été. On en est à 3 000 aujourd'hui. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une décision malheureuse a été prise, à mon avis. Laquelle ? C'est qu'on a mis dans ces procédures d'affectation dans l'enseignement supérieur, non seulement les bacheliers, mais aussi les étudiants en réorientation. C'est-à-dire que si, au bout d'une année de licence d'italien, vous vous dites « c'est pas du tout ce que je voulais faire », rebelote, vous repassez dans APB. Donc vous imaginez le nombre... Vous pouvez avoir droit au tirage au sort éventuellement. Voilà, exactement. Le nombre d'étudiants qui sont concernés, le chiffre a explosé et le logiciel n'est plus en mesure de traiter toutes ces demandes. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme à l'enseignement supérieur, vous qui bossez à l'étudiant, Marie-Caroline Messier ? Eh bien, ça fait depuis 2013 qu'effectivement, il y a des inquiétudes autour de ce logiciel. Il y a aussi beaucoup d'améliorations qui ont été apportées. Chaque année, les règles changent. Alors, par exemple, en 2016, on a introduit un système de pastilles de couleurs entre les licences libres, c'est-à-dire celles qui sont ouvertes à tous et où il n'y a pas de problème, et les licences dites en tension, que je vous décrivais tout à l'heure. C'est une pastille rouge, j'espère. Alors, c'était encore plus compliqué. Tous les bacheliers avaient l'obligation de s'inscrire avec une pastille verte. Il y avait un certain nombre de choix qui étaient allongés, 24 choix cette année. Donc, chaque année, on rebat les cartes. Et en fait, les lycéens ont connaissance très tardivement dans l'année des règles du jeu. On les connaît à la fin de l'année civile, donc en décembre, et en janvier, ils doivent déjà faire leur choix. Donc, s'accaparer tout ce fonctionnement, que les parents les comprennent, que les étudiants les comprennent, c'est très compliqué, mais il faut quand même souligner que les pouvoirs publics sont attentifs depuis plusieurs années, mais qu'ils n'ont pas trouvé la solution, et au point qu'aujourd'hui, on enterre APB et on repart sur une nouvelle solution, on va la connaître à la fin du mois d'octobre. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle qu'a annoncé la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, Dominique Vidal. À partir du 18 juillet, le système va changer. Il reste 200 000 places dans l'enseignement supérieur disponibles. Et donc cette fois-ci, les étudiants vont avoir à se positionner sur des places dont on sait qu'elles sont libres. Donc vous prenez l'engagement ce matin que tous ces bacheliers sans affectation et qui veulent faire des études supérieures trouveront une place à la rentrée universitaire ? C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé et l'objectif que nous nous sommes tous fixés collectivement. Plus d'APB, plus de problèmes. On va supprimer donc ce FEL. Elle ment ? Non, je ne crois pas. En tout cas, dans la concertation qu'elle a engagée... Elle dit l'objectif, elle ne se mouille pas trop quand même. Mais elle parle d'affectation. Donc probablement qu'effectivement, il y aura, tous les étudiants auront une affectation. Mais auront-ils l'orientation qu'ils souhaitent et dans laquelle ils sont capables de réussir ? C'est le gros sujet et qui pose... plus largement la question de la sélection à l'entrée à l'université. Est-ce qu'on a bien les compétences pour réussir dans la filière qu'on a choisie ? Non, elle ne ment pas. Le tirage au sort va être supprimé, ça c'est certain. Ils se sont engagés, donc ça paraît difficile de ne pas suivre cet engagement, surtout en début de mandature. Ce qui va se passer, avec les informations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'APB va très certainement changer de nom. Parce que le nom lui-même est complètement démonétisé, honni pour certains lycéens. Le principe du logiciel va forcément rester, parce qu'il paraît difficile d'organiser différemment les choses aujourd'hui, vu le volume de données et de profils qu'il faut traiter. En revanche, le fonctionnement, les règles du jeu, c'est cela qu'il va falloir adapter. Et pour l'instant, opacité totale sur ce qui va se passer. Il y a un grand secret autour d'APB à l'intérieur du ministère. C'est très difficile d'avoir des informations. Quand on en aura, on ne manquera pas de les publier sur l'étudiant. Comment font les autres pays ? Ils n'ont pas tous les mêmes problèmes démographiques, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est un problème, mais la même hausse démographique. Il y a surtout des systèmes payants et sélectifs, notamment dans les pays anglo-saxons. Donc le flux d'étudiants est régulé par le système qui est très différent du nôtre, puisque quand vous devez payer très cher l'accès à une université, eh bien forcément vous avez moins de problèmes de flux à l'entrée. Merci Marie-Caroline Missirt, vous êtes directrice de la rédaction de l'étudiant. Superfell, c'est terminé. Merci beaucoup à Anaïs Isebert qui a préparé cette émission, à Jacques Hubert qui était en régie et à Alexandre Fougeron qui l'a réalisé. Superfell.